Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 92e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les deux répliques de Khalid et Mohamed que nous avons étudiées dans le cours précédent afin d'observer les questions de grammaire qui sont nécessaires à sa bonne compréhension. Reprenons donc ces deux répliques dans lesquelles Khalid interroge Mohamed sur le nombre d'unités de prière qui constituent la prière de l'aube. كم ركعتان صلاة الصبح؟ ركعتان. Commençons par analyser la question de Khalid qui ne contient pas de nouvelles notions grammaticales. Comme nous l'avons observé dans le cours précédent, elle est constituée de deux constructions qui sont juxtaposées. كم ركعتان qui signifie combien d'unités de prière et صلاة الصبح qui signifie la prière de l'aube. La première débute par le pronom interrogatif كم qui signifie combien, suivi du nom rak'atan, qui sont les unités de prière que l'on cherche à dénombrer. Comme nous l'avons vu dans l'étude de la première réplique de ce dialogue, le nom placé après le pronom interrogatif kam est toujours indiqué en arabe littéraire sous sa forme du singulier, indéfini et décliné au cas direct, comme l'indique la voyelle fatha à sa terminaison. Kam rak'atan, combien d'unités de prière? Dans la seconde construction, salatu subh, le nom Salatu, qui signifie prière, est annexé au nom As-Subh, qui signifie aube, pour indiquer qu'il s'agit de la prière de l'aube. Le nom Salatu, qui est annexé, Mudaf, ne peut donc ni débuter par la particule Alif Lam, ni terminer par un tanwin, une double voyelle, et le nom As-Subh, qui est annexant, Mudafun Ilayhi, est décliné au cas indirect, et sa terminaison est marquée par la voyelle Kasra. Salatu Subhi. La prière de l'aube. Pour terminer cette analyse, il nous reste à identifier le sujet de cette phrase nominale, al-mubtada, ainsi que son information, al-khabar. Comme il s'agit d'une question, on doit s'interroger sur la chose au sujet duquel Khalid cherche à obtenir une information de la part de Mohammed. C'est donc le nom Salah qui remplit la fonction de mubtada et qui est par conséquent décliné au cas régulier et marqué par la voyelle dhamma à sa terminaison. Dans cette question, Khalid interroge Mohammed pour savoir de combien d'unités de prière est constituée la prière de l'aube. Et c'est donc le pronom interrogatif kam qui remplit la fonction de khabar, l'information. Cette fonction grammaticale implique également le cas régulier de déclinaison, mais comme le pronom interrogatif kam est invariable, sa terminaison n'est pas affectée par la déclinaison. Kam rak'atan salatu subh. Combien y a-t-il d'unités dans la prière de l'aube? Terminons ce cours par l'analyse de la réponse de Mohammed. Rak'atan, deux unités de prière. Comme je vous l'ai expliqué dans le cours précédent, le sujet de cette phrase, Salatu Subh, la prière de l'aube, est sous-entendu car le contexte nous permet de l'identifier sans le nommer explicitement. Si on remplace cette construction par un pronom personnel, le sens complet de la réponse de Mohammed est donc Hiya Rak'atan, c'est-à-dire elle est composée de deux unités. Le nom rak'atan occupe donc ici la fonction de khabar, l'information, ce qui implique qu'il soit décliné au cas régulier. Cette terminaison n'est cependant pas marquée par la voyelle dhamma, car les noms au duel ont une déclinaison que l'on peut qualifier d'irrégulière. En effet, dans cette catégorie de noms, c'est la lettre alif de la terminaison qui marque le cas régulier et la lettre ya qui marque les cas directs et indirects de déclinaison. Salatu subhi rak'atan. La prière de l'aube est constituée de deux unités. Ici, le nom rak'atan occupe la fonction de khabar. Il est donc décliné au cas régulier et marqué par la lettre alif à sa terminaison. Sallaytu rak'atayn. J'ai prié deux unités de prière. Dans cette phrase, le nom rak'atayn occupe la fonction de maf'oulun bih, le complément d'objet direct. Il est donc décliné au cas direct et marqué par la lettre Ya à sa terminaison. Voilà pour aujourd'hui. Ce 92e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine avec le 93e mini-cours dans lequel nous étudierons les deux répliques suivantes de ce dialogue entre Khalid et Mohammed. Wassalamu alaikum.